Bonjour à tous. Aujourd'hui, suggestion pour la Saint-Valentin. Crème renversée au Chablis. Il nous faudra une orange, un citron, 33 cl de Chablis, 2 œufs plus 2 jaunes, 12 cl de crème fleurette. Pour le caramel, 150 g de sucre. Faire le zeste d'une demi-orange plus le citron et hacher finement. Versez le vin dans une casserole plus les zestes. Portez à ébullition. Flamber et réserver au chaud. Faire le caramel avec un peu d'eau jusqu'à belle coloration, puis l'éteindre avec un tout petit peu d'eau. Verser dans un moule à manquer de hauteur 16 cm. Laisser refroidir. Dans un saladier, blanchir les œufs, plus les jaunes, avec le sucre. Monter le tout, plus crème. Lorsque le mélange est bien homogène, ajouter le chablis et laisser tiédir. Cuisson bain-marie 1h20 à 1h30 à 150 degrés. Après cuisson, laissez refroidir au moins 12 heures au réfrigérateur et démoulez sur un plat de service. Un petit vin conseillé, un Banyuls rouge à boire avec modération.